Ska. Une parcelle de temps, que se passe-t-il en ce moment? Quelques gouttes de sang, des larmes et des cris mourants. Wolverines. L'humain est déroutant, tant de drames, rien n'est changeant. Toujours en guerre pourtant, il ne cherche que la paix pour ses enfants. Je ne suis qu'un homme au détour de trop de tombes. On a perdu la colombe au milieu de toutes nos bombes. La paix se couvre d'ombre et j'en ai honte. Si seulement je savais ce que je pouvais faire contre. Nos regards se voilent face à nous-mêmes. J'aimerais qu'on me détaille tout ce que ça nous ramène. Il n'y a plus de fierté d'être un être humain. Nous sommes tous des adultes avant d'être gamins. Il est 3h du matin, je ne trouve pas le sommeil. Rien pour m'endormir, le silence me réveille. Je regarde par la fenêtre l'autre écran de la vie. Il fait noir dehors, pour moi c'est encore nuit. Je sais que sur l'autre face du monde le soleil brille. Que d'autres pensent comme moi et le mettent par écrit. Laissent couler des larmes pour soulager leur conscience. Mais ils savent bien qu'ils ne retrouveront pas l'innocence. Une élite se place dans un quartier chaud. Gaza et les 8h, les soldats lancent de l'assaut. L'été résonne, pas de mort chez les commandos. Mission accomplie, ils viennent de tuer quelques ados. La résistance n'est pas rude, c'est le combat de la rue. Ici ils crèvent en masse sans plus jamais faire la une. Ils rejoignent les étoiles dans les dernières lueurs de la lune. Il ne reste de leur histoire que quelques larmes dans les brumes. Je ne suis qu'un homme au détour de trop de tombes. On a perdu la colombe au milieu de toutes nos bombes. La paix se couvre d'ombre et j'en ai honte. Si seulement je savais ce que je pouvais faire contre. Nos regards se voilent face à nous-mêmes. J'aimerais qu'on me détaille tout ce que ça nous ramène. Il n'y a plus de fierté d'être un être humain. Nous sommes tous des adultes avant d'être gamins. Encore d'autres yeux qui ne verront pas demain. S'enfermant dans les bras de leur mère ou bien en orphelin. Cherchant à fuir une misère ou à essayer de faire le bien. Je ne sais pas où nous sommes perdus, je n'y comprends plus rien. On espère trouver la paix pour pouvoir l'offrir aux siens. Ne plus poser des fleurs que sur la tombe des anciens. Ne plus voir partir les jeunes quand leur futur est encore loin. Du métal et du pétrole, voilà qui résume trop de destin. 9h du matin, il y a quelques années. Nous montrer à Manhattan partiellement défiguré. Dans les enquêtes qui furent lancées, les résultats furent censurés. On ne sait pas qui est coupable, Al-Qaïda ou CIA. Les deux peut-être vu qu'ils ont chacun leur intérêt. Ils ont préféré faire fructifier l'argent plutôt que distribuer la paix. Ils font émerger des conflits que personne ne demandait. Oublie ce qu'ils ont détruit, pensant que personne ne remarquerait. Je ne suis qu'un homme au détour de trop de tombes. On a perdu la colombe au milieu de toutes nos bombes. La paix se couvre d'ombre et j'en ai honte. Si seulement je savais ce que je pouvais faire contre. Nos regards se voilent face à nous-mêmes. J'aimerais qu'on me détaille tout ce que ça nous ramène. Il n'y a plus de fierté d'être un être humain. Nous sommes tous des adultes avant d'être gamins. Nous sommes les enfants du destin, nous fermons les poings. Sans espérer vivre vieux, nous espérons vivre demain. Le temps rit nos promesses qui ne riment à rien. On avait dit plus jamais de paix si je comprends bien. On nous place dos au mur ou le long d'un ravin. On nous promet de belles choses, surtout dans les bouquins. On en a tous marre des statistiques pour historiens. On ne veut pas d'éclats de bombe, juste quelques bouts de pain. La sagesse tait, quoi qu'on vous dise. Car ici bas l'objection n'est pas admise. Je regarde par la fenêtre, le regard triste. Nous luttons tous contre la mort, alors je résiste. Excusez mes larmes, elles n'effacent pas les douleurs. Le sang se nettoie et on oublie toutes nos erreurs. J'aurais préféré qu'on oublie toutes nos couleurs. Qu'enfin nous vivions en paix et dans le bonheur. Je ne suis qu'un homme au détour de trop de tombes. On a perdu la colombe au milieu de toutes nos bombes. La paix se couvre d'ombre et j'en ai honte. Si seulement je savais ce que je pouvais faire contre. Nos regards se voilent face à nous-mêmes. J'aimerais qu'on me détaille tout ce que ça nous ramène. Il n'y a plus de fierté d'être un être humain. Nous sommes tous des adultes avant d'être gamins. On cultive des grenades, l'on voudrait voir des fleurs. Je ne vois pas d'instrument de paix dans les fusils mitrailleurs. Si je parle d'évolution, on me dira d'aller voir ailleurs. Si je parle de révolution, m'enfermera d'ailleurs. Il n'y a pas de place pour ceux qui pleurent la paix. Je suis un homme coupable de n'avoir rien fait. Je vois le monde s'autodétruire pensant qu'il est parfait. J'espère juste avoir le pardon des enfants que je croiserai.